Chapitre 12. Puis Jésus se mit à leur parler au moyen de paraboles. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, creusa un trou pour le pressoir à raisins et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Quand vint le moment de la récolte du raisin, il envoya un serviteur vers les ouvriers vignerons pour recevoir d'eux sa part de la récolte. Mais ils saisirent le serviteur, le battirent et le renvoyèrent sans rien lui donner. Le propriétaire envoya alors un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le propriétaire en envoya encore un autre et celui-là, ils le tuèrent. Et ils traitèrent de la même manière beaucoup d'autres serviteurs. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Le seul homme qui restait au propriétaire était son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, et il se disait, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons se dirent les uns aux autres, « Voilà celui qui deviendra propriétaire plus tard. Allons, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils saisirent donc le fils, le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. Que fera donc le propriétaire de la vigne ? Demanda Jésus. Il viendra, il tuera les vignerons, et remettra la vigne à d'autres hommes. Vous avez sûrement lu cette parole de l'Écriture. C'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée qui est devenue la pierre principale. Voilà ce qu'a fait le Seigneur, et il est merveilleux pour nous de voir cela. Les chefs des Juifs cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Mais comme ils avaient peur de la foule, ils le laissèrent et s'en allèrent. On envoya auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège par une question. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu dis la vérité. Tu n'as pas peur de ce que pensent les gens, car tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme, mais tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Dis-nous, notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain? Devons-nous les payer, oui ou non? » Mais Jésus savait qu'ils cachaient leur véritable pensée. Il leur dit, « Pourquoi essayez-vous de me tendre un piège? Apportez-moi une pièce d'argent pour que je la voie. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur demanda, « À qui appartiennent ce visage et ce nom gravés ici ?» « À l'empereur, lui répondirent-ils. » Alors Jésus leur dit, « Rendez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. » Et sa réponse les remplit d'étonnement. Quelques sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui disent que les morts ne reviendront pas à la vie. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. « Maître, Moïse nous a donné ce commandement écrit. Si un homme qui a un frère meurt et laisse une femme sans enfant, il faut que son frère épouse la veuve et qu'il ait des enfants avec elle pour son frère mort. Or, il y avait une fois sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfant. Le deuxième épousa la veuve et il mourut sans laisser d'enfant. La même chose arriva au troisième frère et à tous les sept, qui épousèrent la femme et moururent sans laisser d'enfant. Après eux tous, la femme mourut aussi. Au jour de la résurrection, quand les morts reviendront à la vie, de qui sera-t-elle la femme? Car tous les sept l'ont eue comme épouse. » Jésus leur répondit, « Vous vous trompez et savez-vous pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts reviendront à la vie, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est des morts qui reviennent à la vie, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse le passage qui parle du buisson d'épines? Il est écrit là que Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu est le Dieu d'hommes vivants et non de morts. » Ainsi vous vous trompez complètement. Un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux sadducéens. Il s'approcha donc de lui et lui demanda, « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Le maître de la loi dit alors à Jésus, « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. L'homme doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit et de toute sa force, et il doit aimer son prochain comme lui-même. C'est beaucoup mieux que de présenter à Dieu des animaux qu'on brûle sur l'autel et de lui offrir toutes sortes de sacrifices. » Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente. Il lui dit alors, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osait plus lui poser de questions. Alors que Jésus enseignait dans le temple, il posa cette question. Comment les maîtres de la loi peuvent-ils dire que le Messie est fils de David? Car David, poussé par le Saint-Esprit, a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment le Messie peut-il alors être aussi fils de David? La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Il disait aux gens qu'il enseignait, « Gardez-vous des maîtres de la loi, qui aiment à se promener en longue robe et à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les meilleures places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps font de longues prières pour paraître bons. Ils recevront un châtiment d'autant plus grand. » Puis Jésus s'assit à côté des troncs à offrande du temple, et il regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup d'argent. Une pauvre veuve arriva et mit deux petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le déclare, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tous les autres. Car tous les autres ont mis de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour